Point Infantry Store. Ah, Paris sera toujours Paris. Vous êtes un mélancolique. Mes amis, nous allons jouer la spécialité de la maison. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une espèce de cinéma vérité un peu existentiel. Pourquoi t'as l'air triste? Parce que tu me parles avec tes mots, que moi je te regarde avec tes sentiments. Music, please. This is going to be fun. Du comptoir, t'aimes pas quand je rentre tard dans la nuit et que tu dors, t'aimes pas quand je te dis que tu parles fort quand tu es saoul, t'aimes pas quand le dimanche chez ta mère je viens pas, t'aimes pas quand je t'écrase, t'aimes pas quand je suis loin, t'aimes pas quand j'en fais trop, t'aimes pas quand je dis rien, t'aimes pas, t'aimes pas ça, t'aimes pas, t'aimes pas ça, t'aimes pas ça, t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. Quand tu es folle, quand tu me saoules, j'aime ça. Quand tu es nul, quand Thank you.

Mais qu'est-ce que c'est que c'est que ça? Tout ça, tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'en va, ça me revient. Et un enfant, ça me démange. On dirait que ça pourrait être ça. Ça me fait vraiment penser à ça. Leurs claviers et leurs pédales. explore le cosmos spirituel tout entier. Leurs registres sont pour ainsi dire sans nom. Et théoriquement, cet instrument permettrait de reproduire dans son jeu tous les contenus de l'univers. Tous les contenus de l'univers. Tous les contenus de l'univers. Le jeu des paires de vers se pratique donc avec toute la substance et toutes les valeurs de notre culture. Il joue avec elle. Comme au temps où fleurissaient les arts, un peintre a vu jouer les teintes de sa palette. Ce que l'humanité a produit au cours de ses ères créatrices dans le domaine de la connaissance, des grandes idées, des œuvres d'art, ce que les périodes de spéculation érudite qui suivirent ont ramené à des concepts et transformé en patrimoine intellectuel. Tout cet immense matériel à valeur spirituelle, le joueur de paires de verres en joue comme l'organiste de ses ordres. Presque inconcevable. Leur clavier et leur pédale explorent le cosmos spirituel tout entier. Leurs registres sont pour ainsi dire sans nom. Et théoriquement, cet instrument permettrait de reproduire dans son jeu tout le contenu de l'univers. Ou qu'il y a de la place, je fais pas un pli, je laisse pas une trace, je me vends à gauche, à droite, je tacle les claques, je me ramasse et je valse. Je suis pas venu pour tenter le diable, ni pour un cantel notable. Les dieux d'ici, de là d'ailleurs, je m'en tape tant que c'est pas mon heure. Je viens, je m'installe, je m'étale, je campe, je déballe un tas de trucs qui tentent, je troque mon stock et on s'arrange. En gentil gitan qui dérange pas, je promets de tout remettre en place, de ranger dans leur carapace les badauds de sortie, les paysans qui me chassent de leur parvis. S'en valse. valse plus ou moins bien au gré des vents. Mais les épouvantails te poussent, te pressent et te tourmentent. Je t'invite à rentrer dans mon antre. On peut se faire une valse manouche, même si on n'est pas pure souche. Les dieux d'ici, de là, d'ailleurs, je m'en tape tant que c'est pas mon heure. Agrippons-nous, tenons-nous fermes, tournons jusqu'à creuser notre trou. Je m'accroche à toi, tu te trouves à moi, je me cramponne, tu me traînes et je t'emmène. Je sais pas faire de danse de salaud, ni tourner la tête en tango. Je tourne le drame à la collade, c'est dur à suivre les pas de nomades. Ça valse, manouche. Ça valse, manouche. On prend la route à la dérive sur départemental. On s'enlise, on se perd, on se paume, on sauve. On se retrouve à réciter des psaumes. Mais le GPS déraille, nous relâche et les épouvantails qui nous attaquent comme des corbacs insensibles. Au son de la vache, me fait arracher ma danseuse avec un coup dans les valseuses. Et les gendarmes rentrent dans la danse, me font dégager sans audience. J'en vois de toutes les couleurs, mon œil rouge est noir si au beurre. Mes bleus me crament, pif sur ma face, je suis vert comme un manouche qui valse. Yolla lolaï, yolle lolaï. Yolla lolla lolla lolle lolle lolle. Yolla lolla lolla lolle lolle lolle. Yolla lolla lolla lolle lolle lolle. Je suis vert comme un manouche qui valse. Yolla lolla lolla lolle lolle lolle. Je suis vert comme un manouche qui valse. Yolla lolla lolla lolle lolle lolle. Yolla lolla lolla lolle lolle. Yolla lolla lolla lolle. Je suis back dans les bocs, Titi Parigo. Blanc bec et cynique, je fais dans le mégot trip, pas de la mentalo. Tu fais de l'ego trip, dis que du bullshit, je fleurais le caniveau. Parigo du rap musette. Je déterre du placard, des liasses d'humour noir, des lingots d'argot. Je te mets les poils quand de Dieu je parle, ou bien du métro. Moi du bacou sur bingo, du banjo sur bayou, de la guaille sur bouton. Je fais relire la max pendant que le rap passe à la trappe. Je suis fils d'un diable, Blondin et Boutard. Ils m'ont fait les poches, ils m'ont trait les loges, saigné comme un veau. Ils m'ont imité, pompé n'ont jamais été au niveau. Je suis grand tour dans le game, mais moi mon arène s'appelle le bistrot. Padrino du rap musette. J'avanais des îles, perché à Ménil, droit sur ses ergots. Rap du champ des villes, faussaire et fossile en 2.0. Ton rap à protège, j'excède, je m'attrape, je dépecède. Des mots de maître, des rimes, des stèles, ils passent aux oubliettes. Je suis le numéro uno. Rap du champ des villes, faussaire et fossile. Padrino du rap musette. J'avanais des îles, perché à Ménil. Padrino du rap musette. J'avanais des îles, perché à Ménil. Padrino du rap musette. Chabanais des îles, perché à Ménil. Padrino du rap musette. je veux bien l'être, car je le suis tout au fond de mon cœur. Aussi mauvaise que l'herbe qui pousse là sur la tombe des déshérités. Oui, comme l'herbe, ma folle jalousie pousse, la racine coupe les doigts. Jardinier, sérieux, amoureux de ton jardin, là tu vas m'achever. Oui, je suis ton poison, et tu auras raison, car à la longue, j'en vais. Je blesserai tes jolies fleurs, j'étranglerai toutes les plantes sublimes, pas morsure. Je serai là, triomphante. Déjà entrant, en glissant vers ton lit. Oui, comme l'herbe, ma folle jalousie pousse, la racine coupe les doigts. Sur la rive,

Demain sera-t-il virtuose? la poupée ventrée, l'enfant perdu des gares, la carnivore qui dort au coin du feu avec les mouches, moi. La reine du Mardi Gras, dansant en robe verte, couverte de crachats. Moi qui vous parle, sous un ciel étouffé. Moi qui vous parle, la bouche cousue, la bouche cousue. Moi qui vous parle, dans l'odeur du gaz, moi qui vous parle, dans l'odeur du gaz, avec les flippers, les marteaux piqueurs. Moi qui vous parle, les bras plus raides que des rails, les cheveux brûlés, la tête pendant, fleurs cassées sur un sarrau noir. Moi qui vous parle, voix de barbelé avec des cris écrasés. Moi qui vous parle, la bouche cousue, la bouche cousue. Moi qui vous parle, dans un dédale de lessive, petit matin fumant, petit matin gelé, odeur d'absinthe, odeur d'urine. Moi la vieille femme appelant sa mère, moi l'enfant hurlant de rage, moi la lionne giflée, moi la lionne rampant, moi comme tout le monde, moi comme tout le monde, moi qui vous parle, je suis un peu triste, alors je vais prendre mon médicament. J'en ai marre de taper en binaire. Moi j'aime le bruit de la matraque quand il frise la caisse claire. De belles chevelures délicates, rien de mieux quand on se défoule qu'une longue tignasse de babacou. Ça sonne quand même un peu mieux qu'un lascar à capuche sans cheveux. Et pour le solo de trompette, une bonne gazeuse dans les mirettes, ça vous déclenche un bruit strident qui vous caresse les tympans. Je suis un CRS mélomane, un amoureux de John Coltrane. C'est pas parce que je joue du gourdin que je suis le dernier des bourrins. Quand le bruit des bottes sur le pavé se mêle au son des boucliers et que la gazeuse vous pique les yeux, moi j'atteins la menotte bleue et ça me donne la chair de poule, l'envie d'improviser un style. Alors je cogne sur la foule un solo de Buddy Miles. Je suis un CRS mélomane, un amoureux de John Coltrane. C'est pas parce que je joue du gourdin que je suis le dernier des bourrins. Je suis un CRS mélomane. Quand j'entends six le grand cortège, monocorde et sans âme, j'ai envie coller mes arpèges. Y'a plus personne, la nappe en papier tout déchirée, les couteaux en plastique sur les assiettes en carton. La meringue s'enfonce dans la glace à la fraise qui fond comme un château de sable sur la plage. Tout c'est fini à l'aube, il y a du verre cassé sur le sol de la cuisine. Il y avait une fête ici, maintenant ils sont repartis, tout est tous repartis. Masque écrasé, des cotillons, des bobines, et je reste là, au milieu tout seul. La guirlande en papier crépon qui pendouille au plafond. Je sais pas si je suis encore lucide, allongé sur le canapé, je fais le bilan. Tiens, t'as oublié ton sweatshirt orange, il traîne là par terre sous la table, juste à côté de ta chaise. Y'avait une fête ici, maintenant ils sont repartis, tout est tous repartis. Par malheur, il y avait un piano, ils ont joué chacun leur tour. Pauvre piano qui est tout désaccordé. C'est là qu'il frimait avec un morceau classique et ces deux cons qui jouaient de la musique concrète, répétitive avec deux doigts pendant des heures et des heures sans silence. Et ce maladroit qui a renversé du sirop sur les touches, et pire que tout, ça l'a fait rigoler. Il y avait une fête ici, maintenant ils sont repartis, ils étaient tous repartis. Thank you.

et toi dans mon lit, doux présent du présent, fraîcheur de la nuit, chaleur de ma vie. Sirène d'un air de Devient blanc. bossu silence, tu entends. Les carillons mûrs ébranlés comme le bossu silence, tu entends. Les carillons mûrs ébranlés comme le bossu silence, tu entends. Les carillons mûrs ébranlés comme le bossu silence, tu entends. Les carillons mûrs ébranlés comme le bossu silence, tu entends. Les carillons mûrs ébranlés comme le bossu silence, tu entends. Les carillons mûrs ébranlés comme le bossu silence, tu entends. Les carillons mûrs ébranlés comme le bossu silence, tu entends. La Yolanda papette que vous n'êtes. Et c'est le jambe et c'est le pied, diabète. Et c'est le ride, et c'est le chauvet. Et c'est le jambe, et c'est le pied, diabète. Et c'est le ride, et c'est le chauvet. Parmi et le vent, en parmi bonne sous la. Parmi et le vent, en parmi bonne sous la. Déjà, barbe, belle. La Yolanda papette. Des cages entières, mis au pas des vieillards. Et c'est le jambe et c'est le pied, diabète. Et c'est le ride et c'est le chevet. Et c'est le jambe et c'est le pied, diabète. Et c'est le ride et c'est le chevet. Parmi et le vent, en parmi bonne sous la. Parmi et le vent. En parmi bonnes soulages. Panga, bonne militant, trop militant, ça qui vance pour. Zot bienveillance, zot sobat poche, panga zot respect. Zot respect, fan, si ça coule à poudi, la pourraille zot l'idée. Zot l'idée, l'amour, pour zot mauvais sort, zot mauvais sang, zot mauvais chance. Panga, bonne militant, ça qui venge pour la langue, ça qui voit pas ça que zot la pauvre. Panga, zot respect pour ça qui rouvre son taquet. Qu'aime ses poudis la couillonniche sans condenser. Panga, l'estrémis, ça consomme bonne chiffre, bonne valeur y jouer. Panga, l'ozombe, le femme. Panga, moi-même, mon dobouté. Dobouté en calanque, trop content, crime, misère. Ça même mon identité. Une seule ride, un seul cheveu. Des milliards de ventres que les buvards crèvent. Des milliards de ventres que les buvards crèvent. Quand le champ des pistes s'éleva sur la plaine, juste après la pluie dans l'odeur de la terre, là où surgissent les couleurs des vallées, là dans la nuque des ravins ondulés, je retiens l'écho dans le creux de ma main, au rayon de l'eau à l'abri en chemin. Je me planterai un arbuste à cette trace. Je mêlerai son écorce à l'espace. La plaine dans ses habits infinis devenait le monde entier. La plaine dans ses habits infinis devenait le monde entier. Et quand tous les chants peu à peu résonnèrent, quand sous les fossiles les racines s'éveillèrent, redécouvrant les contours oubliés d'un territoire peu à peu dessiné, je retiens les traits invisibles des chemins. Au rayon de l'air étourdi au matin, je ferai mienne les histoires une à une, jusqu'à savoir les collines et les dunes. La plaine, dans ses habits infinis, devenait le monde entier. La plaine, dans ses habits infinis, devenait le monde entier. Qu'as-tu voulu, fin refrain incertain? jardin. Qu'est-ce que c'est que ce berceau soudain? Lentement dorlote mon pauvre être. Que voudrais-tu de moi, doux chant badin? Qu'as-tu voulu d'un refrain incertain qui va tantôt mourir vers la fenêtre ouverte un peu? Qu'est-ce que c'est que ce berceau soudain? Qu'est-ce que c'est que ce berceau soudain? Qu'est-ce que c'est que ce berceau soudain? Qui lentement dorlote mon pauvre être? Tu fuis la teinte, mon toupet. Quand le zéi d'Ortiné à tous. Mon la nous devant, tu fuis la teinte, mon toupet. Quand il fait moment, s'enlève les angouts. Où c'est? Pa da da da da da da. Pa-da-da-da. Ban mazigado zot la diamwe mon enfant, mon fils. Dans son bras en croix, maman m'a donné mon corps sacrifice. M'y connais n'a plus pire, n'a plus meilleur. M'y rôde pas comprendre. Pendant mon terre, pendant mon talère, sauf si n'a pour pan. Moi là, nous devons t'y filer la tête, mon toupé, quand le ziel d'ordine y a tous. Moi là, nous devons t'y filer la tête, mon toupé, quand il dit mon mon s'enlève les angouts. Où c'est? Da da da da da da. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle m'a fait manger dans sa menotte. J'avais des dents loups, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Moi je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Ba-da-da-da-da-da. Ba-da-da-da-da-da. Ba-da-da-da-da-da. Ba-da-da-da-da. Paris, il sera toujours Paris. Vous êtes un mélancolique.